Hey. Many days. Hey. L'exalour. Alors tiré. Quand une seule carte peut changer la donne, t'inquiète, j'ai la bonne planquée. Dans la manche, à l'heure où mon plan s'élabore, un geyser d'eau dans le gaz pendant que la sueur s'évapore. La nuit, c'est dans une cave que j'aligne mes plus belles métaphores. Entre ombre et lumière du crépuscule à l'astre lunaire, qui est de plus respectueux que celui qui reste lui-même. Aucune sécurité derrière tes verres de lunettes fumées, l'air de rien qui sait que je le réserve. Mon as funéraire, un point final au palmarès des plus vastes stratèges, qui est à taper des poids sur la table jusqu'à ce qu'ils acquiescent. Je rafle tout pour le plaisir, me fous de ce qu'il y a dans la caisse. La menace est omniprésente, j'ai du sang froid dans la tête. L'exalour ne mise partout sur tes obsèques. S'il faut jouer de la ruse, je me fais plus hostile que les hautes sphères. Depuis le départ, je garde un style à part quand j'opère. Un mental de spartiate, vous contemplant, comptez vos pertes. Un as planqué dans la manche au cas où la partie devient floue. La vie est à double sens, donc j'arrose d'un verre de coup. La victoire se lit dans mon regard, qui les voit tous douter. J'achèverai l'adversaire sur un coup de maître comme ce couplet. Qui voudrait que je stoppe maintenant? Sur le terrain, j'ai la maîtrise de Christophe Mélon. Ma fine équipe, trafic du hip-hop maison. Dédicacé à tous ceux-là qui fredonnent nos sons. Mais qui voudrait que je stoppe maintenant? Sur le terrain, j'ai la maîtrise de Christophe Mélon. Ma fine équipe, trafic du hip-hop maison. Dédicacé à tous ceux-là qui fredonnent nos sons. Tchèque, l'exalour, alors qu'il est, chapitre 1. Yeah. Elle est feu.